Moclès a dit un jour, « Mon avis est qu'on ne peut créer des personnages que lorsque l'on a beaucoup étudié les hommes, comme on ne peut parler une langue à condition de l'avoir sérieusement apprise. N'ayant pas encore l'âge où l'on invente, je me contente de raconter. » Le hip-hop a changé, et moi je m'en bats les couilles. Je fais de la musique, je suis pas rappeur, donc vous pouvez remballer tout. À ce qui paraît, dans le rap faut afficher des tonnes de femmes. J'en ai aucune, j'arrive même pas à faire tenir une relation stable. Faudrait que je parle de drogue et que j'en fasse l'apologie. Écoute, regarde leur gueule, de défoncer c'est pas logique. Pseudo-rappeurs qui parlent de gangs, qui n'ont même pas d'armes à feu. Car si on avait tous un gun, elle arriverait pas tard ma fin. S'il vous plaît, me comparez pas aux vieux rappeurs de Skyblog. Sérieux, c'est pas crédible, ça fait bidon leur style thug. Hein, je suis pas rappeur, je suis qu'un inconnu amateur. Le pire c'est qu'ils sont foutus. Vas-y toi, va croire à menteur. En plus Théma, ils stackent entre eux, y'a pas d'arbitre. Moi j'oserais jamais prétendre mériter un certain titre. Et je calcule plus trop tout ça, je fais mon truc et puis basta. Redonne-moi de l'autotune que j'en mets sur ma voix. On m'a dit qu'il fallait revendiquer les valeurs du peura. Défendre une cause par microphone qu'ils n'écouteront même pas. En plus eux, leurs messages sont véhiculés par la haine. Pour ma part, je kiffe le rap qui me fait ressentir de la peine. Donc pour eux, faut suivre Medine et Kenny Arcana. Perso je kiffe quand dans ma tête une punchline fait un carnage. Ou le contraire de vos préjugés. J'ai pas de meuf, j'ai pas de gun. J'passe pas mon temps à dealer ni à insulter ta run. Moi dans le milieu j'ai pas d'amis. Mes featuring sont virtuels. Et je considère un rappeur punchliner comme un virtuose. Comment soutenir Eliane quand il glorifie l'illicite. Quand j'en un son c'est pas pour plaire, mais j'apprécie qu'on me félicite. Arrête de dire que le rap c'était mieux avant. Il continue de faire jouer les vieux comme en équipe de France. On dirait que c'est un concours pour Eliane le plus gros menteur. Et si le rap c'est tout ça, bah écoute, je suis pas rappeur. Des fois quand j'écoute la fouine, je me dis je vais arrêter le rap. Car je me dis next niveau là, jamais tu l'atteindras. Et puis y'en a qui écrivent des trucs plus compliqués que le père Foura. Ou comme Yoda du genre, avec mon disque plaire faudra. J'ai pas d'avenir dans la musique comme un trisomique dans la vie. Moi je viens casser votre délire, tel un chat c'est dans la vitre. Ça me désole, y'en a qui affichent une intelligence réduite. Comme Amandine du 38 ou Nono du 78. Je me prends pas pour une resta, j'ai quoi à part 2-3 fans. Dans la vie j'ai rien du tout, je fais la cour à un microphone. Désolé si je le dis trop fort, si je perturbe le cours des choses. Mais tout ça c'est abusé, comme demander à une meuf des choses. J'ai cru que je me ferais entendre grâce à Skyblog et MySpace. Mais les internautes sont sourds et tous les textes banal perse. Tout ça pour dire qu'au fond je m'en fous, que ce soit n'importe quoi. Mais s'il y a des critères d'appartenance, je rends mon stylo, mon porte-voix.